Alors réponds, Rogojin. Entre moi et le prince, qui choisirais-tu? Qui tuerais-tu? Tu ne pourrais pas faire mon choix, Anastasia. Pour ne pas être obligé de choisir, je vous tuerai peut-être tous les deux. Oui. Tu nous tuerais tous les deux. Tu ne mens pas. En attendant, va dans ton coin et ne bouge plus. Et qu'on ne t'entende plus. Et maintenant, vis dans l'abcès. Écoute, Aglaé Ivanovna. Si le prince ne s'approche pas tout de suite de moi, s'il ne me dit pas qu'il m'épouse, alors je te le cède. Je n'ai que faire de lui. Et les deux femmes fixèrent leurs yeux sur moi dans l'attente de ma réponse. Moi, je voyais seulement le visage désespéré de Nastassia Philipovna. Et je ne pus en supporter davantage. Aglaé, comment pouvez-vous traiter cette femme de la sorte? Elle est si malheureuse. Et le regard d'Aglaé exprima une telle haine que je me tus. Je m'élançai vers elle. Il était trop tard. Elle se précipitait dehors, suivie de Rogojin qui lui ouvrit la porte donnant sur la rue. Je voulus fuir moi aussi, mais quelqu'un m'empoignait près du seuil. Nastassia Philipovna était devant moi, le visage crispé. Tu la suis? Tu la suis, prince? Et elle tomba évanouie. Je la soulevai et la déposai dans un fauteuil. Puis, incapable de faire quoi que ce soit, je me plantai devant elle. Un verre d'eau se trouvait sur une petite table. Rogojin le saisit et aspergea la figure blafarde de Nastassia Philipovna. Elle rouvrit les yeux. Resta encore une minute immobile avant de reprendre ses esprits. Soudain, elle tressaillit et, m'apercevant, se jeta dans mes bras. Il est à moi. Il est à moi. Oh. J'ai failli le céder à cette petite demoiselle que l'orgueil étouffe. Pour quelle raison? En quoi est-elle supérieure à moi? J'étais folle. Oh, va-t'en, Rogojin, au nom du ciel, va-t'en. Laisse-moi seule avec le prince. Sans dire un mot, Rogojin prit son chapeau et sortit. Ce qui s'est passé ensuite, je n'en sais plus rien de précis. Une brume flottait devant mes yeux et mon esprit était vide. Je crois que je m'assis à côté de Nastassia Philipovna. Je lui caressais les mains et les cheveux comme à un enfant. J'écoutais sans comprendre ses phrases décousues et précipitées. Et chaque fois qu'elle recommençait à pleurer et à se plaindre, je reprenais ses mains dans les miennes. Alors elle se calmait et me souriait d'un sourire doux et timide. Le lendemain, je me présentai chez les Yepanchin, fermement décidé à expliquer à Aglaé pourquoi je ne l'avais pas suivie lorsqu'elle avait précipitamment abandonné la maison de Nastassia Philipovna. Mais chez les Yepanchin, un domestique m'informa que ses maîtres ne recevaient personne. Désappointé, je revins à pied chez moi. Une jeune fille m'attendait près de la villa. À mon approche, elle fit une sorte de révérence. Puis, se troublant, elle rougit et me déclara que je devais me rendre tout de suite chez Nastassia Philipovna. Te voilà enfin de retour, prince. Je pensais déjà que tu ne reviendrais plus. Pourquoi? J'ai mal dormi cette nuit. J'ai rêvé de vous et de Parfen Rogojin. Vous m'indiquiez du doigt et vous disiez à Rogojin, tue-le et débarrasse-toi de ton tourment. En même temps, tu me débarrasseras du mien. Ah, c'est ainsi que tu me vois dans tes rêves. Oui, et souvent. Mais je vous crains également dans la vie réelle. Tu as peur de moi. Moi, j'ai peur de Rogojin. Et Rogojin a peur de lui-même. C'est étrange. Oh, quand veux-tu que nous nous marions? Vous croyez que nous devons vraiment nous marier? Mais je ne sais pas. Je veux que tu tiennes ta promesse. Je veux que tu m'épouses devant Dieu et devant les hommes. Alors c'est bien. Je vous épouserai, Nastassia. Quand? Fixez-vous même la date. C'est un détail dont je n'aimerais pas m'occuper. Pardonnez-moi. Nous allons nous marier le 15 juillet. Cela te va-t-il? Dans 2 semaines? Il me semble que c'est un peu précipité. J'ai entendu dire que la célébration d'un mariage exige de nombreuses démarches. Mais t'inquiète pas, je m'en occuperai. Il faut également réunir les pièces d'identité. Je ne saurais pas à qui m'adresser. T'inquiète pas de cela non plus. Je réunirai les pièces nécessaires. Et les témoins? Je crois que nous ne pouvons pas nous passer de témoins. C'est la loi. Fais-tu l'idiot ou l'es-tu vraiment? Je te procurerai des témoins. À ne pas savoir qu'en faire. Veux-tu que je te les énumère? Non, c'est inutile. Je ne retiendrai pas leur nom. Si vous permettez, je vais inscrire la date de notre mariage. Ces derniers temps, ma mémoire défaille et me trahit. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais vous quitter, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Tu n'iras tout de même pas retrouver ta maudite Aglaé? Je suis déjà passé chez les Yepanchin, mais ils ont refusé de me recevoir. J'en suis désolé, je voulais précisément expliquer à Aglaé des choses qu'elle n'avait pas comprises. Alors tu t'es traîné chez cette petite demoiselle folle d'orgueil? Et elle t'a fait chasser par ses domestiques. Oh! Mais ne détourne pas la tête! Regarde-moi bien dans les yeux. As-tu perdu toute dignité? Ma dignité est intacte. Elle n'a nullement souffert du fait qu'Aglaé Ivanovna, gravement blessée par ma conduite d'hier, m'a fermé sa porte. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela. Plutôt, c'est moi qui suis incapable de vous l'expliquer. Au revoir, Nastassia. Prenez soin de vous, je vous en supplie. Je regrette de ne pouvoir rester avec vous cet après-midi. J'ai encore un rendez-vous. Ah, mais je vous l'ai déjà dit, il me semble. Mais avec qui as-tu ce maudit rendez-vous, puisque ta charmante Aglaé ne veut pas te recevoir? Bien avec... avec moi-même, comme d'habitude. Ne craignez rien. Prince. Prince, une minute, s'il vous plaît. Ah, c'est vous, Eugène Pavlovitch. Je suis content de vous rencontrer ici, dans la rue. Je l'étais moi, je l'avoue, lorsque je vous ai aperçu à côté d'Aglaé Ivanovna lors de cette fameuse réception. Ne m'en veuillez pas. Je ne sais comment je dois comprendre vos paroles. Mais comme je vous l'ai dit, Eugène Pavlovitch, j'étais jaloux de vous. Et je me sentais humilié d'éprouver ce vilain sentiment. Mais tout cela est du passé. De fiancé en titre, je suis devenu un indésirable. Et Aglaé Ivanovna refuse de me recevoir. Je suis au courant de ce qui s'est passé hier entre les deux femmes. Comme toute la ville, d'ailleurs. Aglaé Ivanovna n'a pas dormi de la nuit, elle est malade. Je crois même qu'elle délire. Il faut l'excuser. Et tout cela à cause de moi. Je suis un misérable. Si je ne craignais pas l'enfer, je mettrais fin à mes jours. Mais je vais prendre congé de vous. Merci de m'avoir serré la main tout en sachant quelle abomination j'avais commise. Êtes-vous vraiment pressé? Sinon, je vous propose que nous entrions dans ce café en face et que nous bavardions un peu. À moins que je ne vous importune. Nullement, nullement. Vous avez là une excellente idée. Eh bien, entrons dans ce café. Je déteste l'alcool, mais j'ai lu quelque part qu'il donne des ailes à ceux qui en boivent. Eh bien, oui, oui. Allons dans ce café. Aujourd'hui, j'ai besoin d'ailes pour m'envoler loin de la réalité. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Marcel Bozuffy par Fénor Gojin, Jean-Louis Lérac, Eugène Pavlovitch et Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna. Musique d'Edgar Cosma, production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.